la paire. Pour Mélanie, ce qui compte dans un escalier, c'est qu'il soit solide. Mais pour Maxime, c'est de pouvoir s'y amuser. Ce qui compte, c'est d'être bien chez soi. Et pour ça, vous pouvez compter sur nous. Pour l'anniversaire La Paire jusqu'au 26 octobre, profitez de moins 20% sur tous les escaliers. La Paire, la qualité réservée à tous. Conditions sur lapaire.fr. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le cours de l'histoire. Emmanuel Macron a passé 2 jours dans les pays baltes. Le président a dit qu'il fallait davantage travailler avec la Russie. Oui, mais quelle Russie? Celle visible, officielle, ou bien la Russie secrète? Cette Russie-là, c'est celle qui nous intéresse dans le cours de l'histoire. Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. En 1964, le chanteur Gilbert Bécaud est ravi. La place rouge était vide. Devant lui marchait Nathalie. Il avait un joli nom, son guide. Nathalie, ah, la romance est jolie. Il s'en faut de peu pour qu'elle devienne dramatique. Tenez, changeons de décennie, quelques décennies auparavant, changeons de lieu. Oh, nous n'allons pas bien loin, quittons la place rouge pour la place Loubianka. Oui, changeons aussi de guide, ce n'est plus Nathalie, c'est Dzerzhinsky, le fondateur de la Tchéka, ancêtre du KGB, le KGB qui siège justement place Loubianka. Dzerzhinsky, fidèle parmi les fidèles de Lénine, bourreau à 16 heures. Et cette fois, si la place est vide, c'est peut-être en raison d'assassinats, de déportations, de coups tordus et d'empoisonnements. Cette semaine, dans le cours de l'histoire sur France Culture, nous nous intéressons à la Russie secrète, à la Russie souterraine des mystiques, à l'instar de Raspoutine ou des figures de la contre-culture, comme le poète Vysotsky. Nous pouvons réécouter ses émissions en ligne sur le site internet du cours de l'histoire franceculture.fr ou bien en podcast. C'est la baladodiffusion des émissions à commenter sur le groupe Facebook du cours de l'histoire où vous êtes de plus en plus nombreux. Merci beaucoup à vous. Et aujourd'hui, la KGB Academy, oui, des tsars à Poutine, comment les services secrets forment et informent les dirigeants du pays. Avec nous aujourd'hui, Bernard Lecomte, bonjour. Bonjour. Vous êtes ancien grand reporter, spécialiste des pays de l'Est. Vous avez couvert pour l'Express, notamment les dernières années du communisme. Vous vous présentez aussi, avec un clin d'œil, comme papologue. Et c'est vrai que vous êtes spécialiste de l'histoire papale, notamment de Jean-Paul II. Vous êtes le biographe de Gorbatchev également, Bernard Lecomte. Il y a un lien à tirer entre les caves du Kremlin et celles du Vatican? Oui, c'est un peu le hasard d'une vie de journaliste qui a fait que j'ai couvert effectivement toute la fin de la période communiste, et beaucoup à partir de Moscou. Mais à la même époque, il y a eu la Pologne, il y a eu le pape polonais, et j'ai eu à suivre ce pape dans tout ce qu'il a fait, dans tout ce qu'il a contribué à la chute du communisme lui-même. Et c'est, au fond, en 30 ans de journaliste, c'est les deux grands sujets que j'ai traités, couvert et longtemps, ce qui c'est la chance d'un journaliste. Parfois, on passe d'un sujet à l'autre. Moi, j'ai eu la chance de les traiter dans la durée, ce qui fait que je me suis peu à peu spécialisé dans ces deux lieux de pouvoir. C'est comme ça, moi, d'abord que je les interprète. Le Kremlin, le Vatican, ce sont d'abord des lieux de pouvoir qui sont des mines d'or pour un journaliste d'investigation, parce que le Kremlin, comme le Vatican, recèle des secrets, des mensonges, des personnages, des situations, des enjeux absolument extraordinaires. Et je me plais et me complais, moi, à faire des livres maintenant, à mon grand âge, pour raconter justement ces affaires extraordinaires. D'ailleurs, il y a un lien évident, parce que Bernard Lecomte, vous publiez Le Pape qui a vaincu le communisme, enfin qui sort en collection Tempus. Et puis surtout, vous arrivez avec un ouvrage, KGB, la véritable histoire des services secrets soviétiques, édité chez Perrin. Bernard Lecomte, quand on prend cet ouvrage, alors évidemment, on a tout de suite envie de savoir, parce qu'on se dit, s'il y a le KGB, il y a du secret, c'est cette police secrète. Et dès la première ligne, on lit « Le KGB est né le 7 décembre 1917, juste après la révolution d'octobre ». Il y a de la provocation dans cette phrase, évidemment, parce que les puristes vont vous dire « Mais non, le KGB, c'est 1954, quand ça prend son nom ». Cette volonté de le faire naître en 1917 est significative, c'est pour bien montrer, c'est une forme de continuité en fait. C'est une continuité absolue en réalité. Vous avez donc la Tchéka, cette fameuse commission que Lénine et Trotsky ont fondée effectivement 3 semaines après la révolution d'octobre. Ils ont construit un outil politique, un outil d'abord de répression de l'opposition, soyons clairs, et puis aussi d'infiltration d'information, d'influence et de renseignement. Mais cette Tchéka qui va devenir la GPU, laquelle va devenir le NKVD, et qui va devenir le KGB en 1954, après la mort de Staline, c'est bel et bien le même outil politique. Il n'y a aucun doute là-dessus. C'est un outil, un, de police politique pour l'intérieur, et deux, de renseignement et d'influence pour l'extérieur. Et puis, vous commencez, Bernard Lecomte, évidemment, en développant la mise en place de cette police politique. Ce qui est formidable, c'est de regarder dans le détail de la chronologie. Nous sommes sur un temps, en fait, très très court. Tout cela se compte en mois. Et pour la révolution d'octobre, donc nous sommes en 1917, il y a une urgence à mettre en place un système. En lisant votre livre, un KGB, je me rendais compte que sur ses débuts, de la Tchéka à ce moment-là, il y a en fait une lecture possible sur le XXe siècle et XXIe siècle sans doute, mais aussi ce qui s'est passé avant. Il y a un modèle qui était là pour les bolcheviks, ils l'ont repris. Oui, c'est pas un hasard si Lénine a confié la présidence de cette fameuse commission, la Tchéka, à Félix Dzerzhinsky, qui était un de ses camarades, qui avait été un des acteurs de la Révolution, mais surtout, c'est Lénine lui-même qui le dit, qui avait passé 8 séjours dans les geôles du tsar. Avant la Révolution, sous les tsars, il y avait évidemment aussi une police politique qui s'appelait l'Ohrana, qui était un peu chargée de ça aussi, la répression, le renseignement, etc. À ceci près que on a changé d'échelle. C'est-à-dire que l'Ohrana, vous savez, les historiens ont travaillé beaucoup là-dessus, les spécialistes, notamment du 19e et du début du 20e, estiment grosso modo à 6000 victimes les activités terribles de l'Ohrana. 6000 victimes en 3 tsars, pardon, mais sous Staline, on compte en millions de victimes. Donc il y a un léger décalage d'échelle. Et si l'Ohrana fait partie de ses tout premiers services secrets, il y en a eu aussi chez les Britanniques, il y en a eu aussi en France, bien sûr, mais c'est rien du tout par rapport à ce qui va être. Cela dit, vous avez raison, c'est symbolique que Lénine confie justement à Dzerzhinsky cette commission sur le modèle de l'Ohrana. Oui, puis vous le dites bien, c'est vrai que l'ampleur est tout autre. L'ampleur est tout autre, ne serait-ce que par les méthodes. C'est-à-dire que dans la police secrète des tsars, il y a un cheminement qui conduit ceux qui sont suspects de volonté révolutionnaire jusqu'à la justice. Alors qu'avec les bolcheviks au pouvoir, les services secrets, eux, vont tout gérer du début à la fin, et la fin parfois c'est la mort. Oui, la justice instaurée par la Révolution, qui, rappelons-nous aussi, proclame l'abolition de la peine de mort. Tout ça, c'est du pipeau. Pour la Tchéka, est tout puissante. Il est clair que Lénine lui donne tous les pouvoirs. Il a totalement confiance en Dzerzhinsky. Et il est évidemment pas question que les agents de la Tchéka fassent attention à ce que vont dire les juges et à ce qui était inscrit dans la loi. Évidemment. Ce qui va s'accroître encore au moment de la mort de Lénine. Vous savez, au moment de la mort de Lénine, il y a même des gens à l'intérieur même de la Tchéka qui disent « Bon, on tue tellement de gens que il faut peut-être quand même arrêter un peu, on va peut-être un peu trop loin, etc. » Il faut dire que les koulaks, le clergé, les paysans, les nobles, les aristocrates, tout le monde y passe quand même. Et les opposants, et les sociodémocrates, et bientôt les anciens bolcheviks. Et à la mort de Lénine, Staline prend donc le relais, et Staline comprend tout de suite, lui, le profit qu'il va tirer d'un instrument politique pareil. Et c'est évidemment Staline qui va en faire cette espèce de monstre absolu dans une période qu'on appelle maintenant la Terreur Rouge, et ça n'est pas exagéré de l'appeler comme ça. Non, ce n'est pas exagéré. Et puis, il y a évidemment tout un aspect idéologique sur ces questions-là, bien sûr, parce que il y a des choix politiques. Et dans ces années, si on reprend cette année 1917, nous voyons que les choix idéologiques sont aussi lié à la possibilité de se maintenir ou pas au pouvoir. Février, première révolution, disons une révolution bourgeoise. Octobre, cette révolution où les bolcheviks font un coup d'État, quoi, prennent le pouvoir. Mais il doit y avoir des élections. Et toute la question est là. Si les bolcheviks perdent les élections, à quoi a servi de faire la révolution d'octobre ? Dès lors, il faut trouver un moyen pour rester au pouvoir. Et Lénine ne se fait aucune illusion sur cette fameuse constituante que tout le monde attend, parce que les Russes eux-mêmes, les habitants, se disent « bon, tout ça c'est épouvantable, on comprend plus, le tsar a abdiqué, on est en pleine anarchie », mais tout le monde s'accroche à cette idée qu'il va y avoir de vraies élections, qu'on va faire une constituante, et cette constituante va remettre un peu d'ordre. Lénine, lui, sait très bien depuis le premier jour qu'il va perdre ces élections. Donc le premier boulot de la Tchéka, en réalité, c'est d'empêcher cette constituante de se réunir, et c'est ce qui va se passer, en effet, les gars sont là, ferment les portes du palais, pourchassent les types, en tuent quelques-uns, il y a quelques libéraux à ce moment-là qui vont perdre la vie, et c'est la première opération réelle de la Tchéka, c'est d'empêcher cette élection constituante. Ça va être évidemment le vrai point de départ idéologique et politique du régime. Il n'y a plus d'élection, c'est clair. On est en janvier 1918. Il va y avoir une deuxième épouvantable opération en juillet, c'est l'élimination de la famille impériale. Là aussi, c'est la Tchéka qui s'occupe de ça. Le tsar, toute sa famille, ses quatre fils, le tsarevitch, sont abattus par des tchéquistes, là-bas, dans l'Oural. Et c'est là aussi une deuxième date fondatrice. Il n'y a plus de passé. C'est fini, il n'y a plus un tsar en prison ou en exil. Tout ça est terminé. C'est, encore une fois, la Tchéka qui sert à ça. Et troisième point, si vous me le permettez, la révolte des marins de Kronstadt. En 1921, quand la classe ouvrière elle-même comprend que elle est dans l'impasse, que les types qui prétendent la représenter sont en réalité des dictateurs, et les marins de Kronstadt, cette fameuse forteresse qui est au large de Leningrad, vont se révolter. Troisième grand travail de la Tchéka, éliminer dans le sang la révolte des ouvriers. Et là encore, c'est fondateur. Vous voyez, l'affaire, la classe ouvrière, ce n'est plus qu'une fiction, déjà. Et ces trois actes fondent en effet le régime, et c'est la Tchéka qui en est le principal auteur. Eh bien d'ailleurs, quand on lit votre ouvrage KGB, Bernard Lecomte, si on prend ce moment très particulier de l'exécution de la famille impériale, nous voyons bien que la décision n'est pas directement partie du sommet de l'État pour arriver à des exécutants. Il y a tout un cheminement. Et alors c'est dingue parce qu'on se dit, mais en fait, déjà, l'institution est là avec un organigramme, avec une hiérarchie. La décision est prise en haut, mais ça descend étape par étape pour arriver jusque dans l'oral, en fait, à des petits fonctionnaires de la Tchéka. Oui, et ces petits fonctionnaires sont pas les types les plus intelligents de la région, si vous voyez ce que je veux dire. C'est des brutes. Là, on est dans... C'est des policiers brutaux qui ne respectent rien et qui ont le pouvoir et qui en profitent, évidemment. Et au départ, vous avez raison, c'est Lénine et Sverdlov, qui est l'équivalent de chef d'État, on peut dire, à ce moment-là, qui vont s'interroger qu'est-ce qu'on fait du tsar, et qui vont prendre la décision. Clairement, il y a un télégramme de Sverdlov qui ne laisse aucun doute là-dessus. Ils prennent la décision d'éliminer la famille impériale. Le tsar pensait encore peut-être être accueilli par son cousin, le roi d'Angleterre. On savait pas bien où on allait. Et puis les blancs étaient là. Les troupes blanches étaient sur le point de reprendre une partie du territoire. Et Lénine et Sverdlov ont dit il vaut mieux mort que vivant. Et donc, on l'assassine. Et ça s'est passé dans des conditions absolument épouvantables. Oui, parce que c'est vrai que la mort de la famille impériale avec le tsarevitch qui a 13 ans, c'est pas une image qui est positive pour le pouvoir. Et là apparaît un autre aspect de cette police politique, c'est effacer, cacher, dissimuler la propagande. C'est-à-dire que nous voyons bien dans cette police politique, donc le KGB pour réduire ça à quelques lettres, un sigle, mais en fait une police politique qui dure tout le XXe siècle et aujourd'hui encore, il y a plusieurs aspects. La répression, vous l'avez dit Bernard Lecomte, et puis la dissimulation. Et pour la famille impériale, c'est le cas. Absolument. Les tchéquistes de l'endroit vont aller cacher les corps dans des conditions absolument mais horribles. Ils vont essayer de les brûler, ils vont pas y arriver. On est en juillet, alors on peut creuser à cette époque en Russie. Alors on va faire des trous incroyables dans des anciennes mines. C'est effroyable. C'est un massacre épouvantable qui n'est pas seulement mais dur, impitoyable, qui est aussi horrible et lamentable. Et vraiment, le récit de ce massacre de la famille impériale montre bien que la Tchéka, c'est d'abord des bourreaux de bas étage, quoi. Alors, ça va changer avec le temps, hein. Toute l'histoire, justement, du KGB sur le temps montre qu'on va de plus en plus vers un outil sophistiqué, avec des gens de plus en plus éduqués, cultivés, malins, avec des scientifiques. Vous avez tout à l'heure parlé de l'empoisonnement, on y viendra tout à l'heure, mais Lénine monte justement un laboratoire des poisons, et là, ce sont des vrais chimistes, ce sont pas des bêtes, des brutes épaisses, non, ce sont des chimistes qui vont travailler dans des laboratoires pour élaborer ces fameux poisons jusqu'à nos jours, comme on l'a compris. Et puis, il y a des poisons qui fonctionnent bien, nécessitent des chimistes efficaces, et c'est vrai que dans l'URSS, tous les moyens sont mis pour soutenir le pouvoir, avec une construction administrative des services secrets qui impressionne en nombre de fonctionnaires. Ce sont des fonctionnaires. C'est absolument gigantesque. Il y a une véritable institution mise en place qui équivaut, qui est même supérieure à certains ministères. Oui, bien sûr, c'est une espèce de grand ministère de la police, de la super police, même si ça s'appelle la sécurité, bezapasnost, vous savez, en russe, c'est-à-dire, on va retrouver ce mot tout le temps, bezapasnost, c'est la sécurité. Aujourd'hui encore, le FSB de Poutine, le B, c'est bezapasnost, hein, c'est toujours le même mot. Et on va trouver, justement, une espèce de continuité dans cette volonté de dissimuler, d'influencer, et pour ça, il faut du monde. Les Américains ne vont pas comprendre ça. Les Américains et les Occidentaux d'ailleurs, mais je parle des Américains parce que c'est les Américains qui vont attendre le lendemain de la guerre, 1945, pour comprendre seulement à ce moment-là qu'ils ont des centaines d'agents infiltrés dans leurs institutions. Ils n'en reviennent pas. Et c'est à partir de là, évidemment, qu'on passera à l'autre époque, celle de la lutte avec la CIA. Parce que si la CIA existe, c'est parce que les Américains ont compris qu'il y avait un KGB. Oui, bah justement, les Américains qui mettent du temps à comprendre qu'il y a des agents chez eux permet aujourd'hui de produire des séries. Oui, des séries télévisées. C'est notamment la série qui passe et qui interpelle avec ce titre The Americans sur ces agents infiltrés aux États-Unis. Je vous propose d'écouter un extrait de la bande-annonce de la saison 5. Vous n'aimez pas votre travail ? Notre emploi du temps change sans arrêt. Un jour à un endroit, le lendemain à un autre. Alors c'est pas évident d'avoir un vrai dîner en famille. C'est un officier du KGB. Je leur raconte tout sur le mauvais système en Union soviétique. Peut-être qu'on devrait se débarrasser de lui. Est-ce qu'elle va bien ? Il a déjà remarqué que quelque chose ne tournait pas rond. Vous êtes en danger immédiat. Je crois qu'il est temps. Vous croiriez pas ce qui se passe en Union soviétique. C'est à ce point ? Un extrait de la série The Americans, aujourd'hui dans le cours de l'histoire sur France Culture, nous intéressons au KGB. Bernard Lecomte, cette série évoque des agents du KGB infiltrés aux États-Unis. Alors ça, c'est la mission, on va dire, je ne vais pas dire première, mais en tout cas un résumé de la mission du KGB, quelque chose de classique en fait, le renseignement dans les pays étrangers. Bon, on va dire ça, c'est la base. C'est la base et tous les pays ont toujours eu évidemment des espions à l'étranger pour des raisons d'information, ça va de soi. Les Français, les Anglais avaient des espions au 19e siècle, il y en avait d'ailleurs avant, rappelez-vous le chevalier Déon, hein. Donc c'est pas d'aujourd'hui. Ce qui fait l'originalité du KGB, qu'il s'appelait encore la GPU ou le NKVD à ce moment-là, c'est que dans l'entre-deux-guerres, ils ont en quelque sorte professionnaliser l'influence. Vous savez que le mot désinformation en français vient du russe. C'est les Russes qui ont inventé la désinformatia. Désinformer, influencer, pratiquer le mensonge, on dirait aujourd'hui les fake news, c'est le KGB qui en a fait un grand art. Et dans tout l'entre-deux-guerres, on a vu justement la GPU et le NKVD infiltrer toutes les administrations étrangères avec, il faut dire, un argument extrêmement important qu'il faut pas perdre de vue si on veut bien comprendre pourquoi ils ont eu tant de succès. 1933, Hitler prend le pouvoir en Allemagne. Et le principal argument des soviétiques pour recruter des agents britanniques, français, américains, etc., c'est l'antifascisme. Il s'agit de s'engager contre le fascisme et forcément pour les bolcheviks. Ce qui ne va pas de soi quand on prend un peu de recul. Mais sur le moment, il faut bien comprendre que beaucoup de ces agents étaient des pro-communistes ou des marxistes ou des antifascistes, en effet, qui n'étaient pas des tordus ou des menteurs, qui s'engageaient parfois très sincèrement au service de l'Union soviétique. Je dis sincèrement, je dois ajouter aussi aveuglément. Parce que ces gens-là, évidemment, ils servaient l'URSS, c'est-à-dire qu'ils trahissaient quand même leur pays, c'est pas rien non plus. Mais ça explique pas mal pourquoi ce développement extraordinaire dans les années 30 et jusqu'à la guerre de tous ces agents partout qui acceptaient de travailler pour l'URSS. N'oublions jamais qu'il y a l'ombre d'Hitler derrière ça aussi. Et c'est toujours important effectivement de contextualiser ces engagements qui, avec du recul, peuvent paraître surprenants, notamment se dire que l'on s'associe à l'URSS pour lutter contre le nazisme, sachant les alliances qui se font entre Hitler et Staline. Mais Bernard Lecomte, dans cet élément majeur que vous avez apporté de désinformation, qui est très intéressant, qui n'est pas simplement le renseignement que l'on attend de tout service secret, il y a cette désinformation. Des moments de l'entre-deux-guerres sont très particuliers. Je pense aux famines, ces grandes famines qui font des ravages en URSS. Et là aussi, il y a toute une politique mise en place pour que ces famines n'existent pas, non pas en tant que telles, mais simplement que l'on ne puisse pas en parler. Oui, c'est un épisode extraordinaire, parce que cet épisode-là aussi est fondateur. On va convaincre des antifascistes, des militants de gauche, des marxistes, ou tout simplement des grands intellectuels, qu'il faut venir, venez voir la révolution en marche, venez voir les progrès de l'Union soviétique. Et tous ces gens-là vont être très nombreux, il va y avoir des vrais réseaux, il y a un type dans cette affaire qui s'appelle Mutzenberg, qui est un très très grand agent d'influence pour tout ça, et qui va faire venir, vous savez, tous les Gides, tous les Aragon, tous ces gens-là qui vont se succéder là-bas, reçus évidemment de façon princière par Staline, par Gorky, par un certain nombre de gens qui les rassurent. Et on va leur montrer d'hôtel en hôtel qu'ils mangent très bien. Ils font des voyages très bien organisés et ils vont tous rentrer en France, en Angleterre ou aux États-Unis en disant « Mais qu'est-ce que c'est que ces histoires de famine ? Moi, j'ai très très bien mangé, j'ai discuté avec des bolcheviks, avec des paysans, avec des gens. » Et c'est le grand moment de la désinformation. Et nous, les Français, on a encore quelques souvenirs un peu durs. Rappelez-vous le fameux poème d'Aragon, quand même Aragon, un des plus grands poètes français, incontestablement, qui fait un poème à la gloire de la GPU à ce moment-là. Il nous faudrait, nous aussi, une GPU. C'est un moment formidable qui s'appelle le grand moment de la désinformation. Il coïncide, malheureusement, c'est là où c'est terrible. Si avec ça, ça serait, je dirais que ça serait de la haute politique. Non, il coïncide aussi avec la terreur rouge qui va mener au procès de Moscou, à l'invention du goulag. Et là, effectivement, tout ça se solde par des millions de victimes. Oui, et ça, c'est quelque chose que l'on souligne toujours. Il est difficile de connaître les victimes de la police secrète soviétique, bien sûr, parce que nous sommes justement dans un univers du secret. Et dans cet univers du secret, il y a des gens, il y a des hommes, il y a des femmes. Ce n'est pas du tout un monde désincarné. Je vous propose d'écouter un extrait de l'émission Envoyé spécial. C'était en février 1991 sur Antenne 2. Et cette émission s'intéressait au KGB avec une réflexion, mais que signifie entrer au KGB pour un garçon de village ? Entrer au KGB, c'est une grande chance pour un garçon de village qui, normalement, aurait pu espérer tout au plus un petit emploi dans le comité régional du parti. En même temps que son inscription à l'école du KGB, il devient un héros aux yeux de ses amis et de sa famille. Il obtient un statut social prestigieux. Et sa situation matérielle, son niveau de vie, n'ont plus rien de comparable avec ceux de la population soviétique. Un extrait de l'émission Envoyé spécial, où nous entendons bien par ce témoignage qu'entrer au KGB, c'est une ascension sociale. Toujours, il faut regarder les différents aspects d'un objet historique, en l'occurrence, enfin, historique est toujours présent, les services secrets soviétiques. Bernard Lecomte, vu du RSS, ce n'est pas rien le KGB. Il y a un vrai prestige. Il y a un prestige qui va croissant. Alors le prestige, on vient de l'entendre dans cet extrait. C'est d'abord, en effet, le petit gars, le troisième type d'une famille de paysans au fin fond de la Sibérie, entre Omsk et Sverdlovsk. Évidemment, le gars, quand on vient lui dire « Est-ce que tu veux venir participer à la défense de la Révolution et tu auras un bureau, tu auras un uniforme, tu auras un salaire, etc. » Le gars, il se fait pas priver. Il se fait pas prier. Et ça, c'est pendant des décennies comme ça. Maintenant, si vous voulez, le recrutement au KGB, ça se limite pas à ça. C'est aussi des choses extrêmement sophistiquées qui vont d'ailleurs donner lieu à beaucoup de romans policiers. Les grands romanciers de l'espionnage vont faire énormément là-dessus. C'est l'argent d'abord. Soyons clairs, la plupart du temps, c'est quand même l'argent qui est le nerf du recrutement et de l'acceptation de quelqu'un, parce que c'est comme ça qu'il va finir ses fins de mois. Si vous voulez, je vous raconterai comment ça se passe très concrètement, même pour un journaliste français, parce que c'est tout à fait concret ce que je suis en train de vous dire. Et puis, il y a bien sûr toutes les opérations de chantage et les affaires sexuelles. Très souvent, c'est un gars qui se laisse aller parce qu'il rencontre une jeune personne charmante et puis il passe une nuit avec elle, peut-être plusieurs, et puis un jour on lui dit, tu sais, on a l'enregistrement, on a la vidéo, on a tout ça, qu'est-ce que tu fais ? Je ne sais pas si vous vous rappelez, Xavier, c'est arrivé à un ambassadeur de France. Hein, c'était en 58, l'ambassadeur de France a eu ce pas de côté, il est tombé amoureux d'une jeune soviétique, et le chantage est arrivé immédiatement. Heureusement, il a eu l'intelligence d'aller tout de suite à Paris voir le général de Gaulle, qui venait de prendre le pouvoir, et il est allé voir le général en disant, il a eu cette intelligence-là. Tous ne l'auront pas. Le sexe, la vidéo, le chantage, c'est une constante. Et on y reviendra sûrement tout à l'heure, Vladimir Poutine a commencé sa vie d'agent du KGB comme ça, en piégeant des gens dans les hôtels Astoria, Europeïski, à Leningrad, les vidéos, les trucs. C'était son premier boulot. Faut jamais oublier ce léger détail quand même. Mais non, mais c'est très important de rappeler que Vladimir Poutine vient du KGB et qu'il a commencé à œuvrer comme ça avec du chantage qui permet de recruter des agents. Ou alors vous nous avez dit Bernard Lecomte avec l'argent. Et puis c'est un monde du secret, un monde du sous-entendu. Mais moi j'ai bien entendu votre sous-entendu. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de recrutement possible auprès des journalistes, vous-même qui êtes grand reporter? C'est une constante aussi depuis la guerre. Alors, c'était vrai avant la guerre, mais dans des conditions différentes. Depuis la guerre, les agents du KGB, qui sont souvent sous des couvertures diplomatiques ou journalistiques, on a eu à Paris pendant très longtemps, on a eu l'agence TASS, on a eu plusieurs correspondants de grands journaux, la Pravda, on a eu des correspondants de l'agence Novosti, qui était à Paris, place Malesherbes, et ces gens-là étaient parfois des journalistes et parfois, grosso modo 50%, hein, et parfois des agents, tout simplement, déguisés en journalistes. Et quand vous étiez journaliste, comme moi je l'ai été longtemps, moi j'ai commencé en 77, hein, et j'ai eu droit, moi, à mon bizutage, si j'ose dire. C'est-à-dire que je m'intéressais évidemment à tout ce qui était soviétique. Quand j'avais la chance de déjeuner avec un journaliste soviétique, pour moi c'était un informateur, c'était intéressant. Et il est arrivé ce qui est arrivé, c'est-à-dire qu'un jour, un de mes informateurs m'a dit, tu sais Bernard, tu dois pas être très très bien payé là où tu es, ça peut peut-être t'arranger, nous on a toujours besoin de pigistes, parce que nous, agence Novosti, on peut tout à fait utiliser des journalistes de tous les pays, il n'y a pas de raison, pourquoi pas. Et là, j'entends ça, alors mon oreille teinte un peu, et je me dis, tiens, et sur le moment, vous savez, vous dites, pourquoi pas, après tout, vous êtes journaliste, on vous demande une pige sur un sujet qui est absolument pas politique, pourquoi pas. Sauf que si vous acceptez, vous aurez une deuxième pige, puis c'est très bien payé. Donc, je vous dis, après tout, pourquoi ne pas améliorer mes fins de mois avec des articles? Je trahis pas mon pays, je fais mon métier, finalement. Sauf qu'à la troisième fois, quatrième fois, ça commence à faire beaucoup d'argent, que les thèmes commencent à dévier, et puis qu'à un moment, vous êtes coincé. On vous dit, mais ça, tu es bien conscient que tu as travaillé pour l'URSS depuis un an. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ben, si vous avez peur, si vous avez fauté, si vous êtes allé trop loin, si vous n'avez pas assez compris ce qui vous arrivait, ben, vous risquez en effet de dire, ben, non, faut pas dire ça parce que je vais me faire virer de mon journal, que sais-je. C'est aussi simple que ça, vous savez, concrètement. Et moi, je connais personnellement des gens qui ont sombré à cause de ça. Une pige, puis une deuxième, puis un peu trop d'argent, et puis un voyage à Moscou, pourquoi pas. Et puis, d'un seul coup, vous êtes en train de travailler pour l'URSS. Oui, c'est juste un cheminement qui paraît assez simple, en fait. On comprend très bien le piège tendu. J'ai deux doigts de vous demander des noms. Mais non, il y a eu des affaires de journalistes qui ont provoqué scandale. Il y a eu des affaires. Disons que la plupart des affaires se sont terminées par l'éviction du type. Mais on a cette chance quand même en France, c'est qu'on règle ses affaires un peu avec discrétion. Et je ne vous donnerai pas les noms des gens que j'ai en tête, parce que après tout, il faut là aussi il faut être raisonnable. Vous savez, vous mettez le doigt, vous pouvez très bien sombrer. Il suffit d'avoir des problèmes d'argent. Il suffit de tomber amoureux de quelqu'un. Tout ça est très humain finalement. Et la grande force du KGB, c'est de reposer sur ça, sur la psychologie humaine. C'est sa grande force. C'est comme ça que le KGB a recruté autant de gens. Oui, et c'est une force qui nous interpelle parce que nous ne voyons pas tellement, en vous écoutant, en quoi cela peut être utile de manière directe. Mais tout doucement, c'est un réseau en fait qui se crée. On se lie à des hommes, à des femmes et on tisse une toile. C'est un réseau pour un journaliste comme j'étais à l'époque. Bon, ben, les journalistes, on a cette chance d'avoir beaucoup de contacts, de connaître des ministres, des hommes politiques, des chefs d'entreprise. Donc ça peut les intéresser. Mais surtout, dans le cas des journalistes, il est clair qu'à un moment, on vous demande de dire quelque chose dans vos articles. Il y a un certain nombre de nos confrères, encore une fois, je ne dirai pas les noms, mais qui se sont fait piéger et qui ont, dans un grand journal du matin, vanté les mérites de M. Ceaușescu pendant des années. Voilà, bah ça c'est le risque et un jour on se réveille et on se rend compte que alors sa compagne, son épouse travaille pour le KGB, c'est ce que chantaient les Red Elvis, « She works for KGB ». France Culture, le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Caramba! One night in Berlin, in the funky motel, I met a pretty lady, her name was Chantel. I'm falling in love, she's laughing at me. I work for Taco Bell. She works for KGB. She works for KGB. She works for KGB. She works for KGB. I work for Taco Bell. She works for KGB. Caramba! Bottle of vodka. Shake and not stir. I'll tell all my secrets, honey. I don't wanna be hurt. I'm falling in love. She's laughing at me. She doesn't fool around. She works for KGB. She works for KGB. She works for KGB. She works for KGB. I work for Taco Bell. She works for KGB. Voilà, caramba, les Elvis rouges, Red Elvis, qui chantent She Works for KGB dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Émilie Vallat, avec aujourd'hui à la technique Nasser Moussaoui. Le cours de l'histoire s'intéresse à la Russie secrète et particulièrement au KGB. Oui, le KGB qui forme et qui informe les dirigeants en Russie, en URSS, avec vous, Bernard Lecomte. Donc vous êtes l'auteur de KGB, la véritable histoire des services secrets soviétiques, édité chez Perrin. Je voudrais que nous arrêtions devant un bâtiment qui s'appelle la Loubianka, du nom de la place à Moscou. Quel est ce bâtiment? Alors c'est un grand immeuble, très moderne à l'époque à Moscou, qui où il y avait une compagnie d'assurance, voilà, tout simplement. Aujourd'hui, ça serait un des grands immeubles de la défense, quoi. Et en mars 1918, lorsque, il ne faut pas oublier qu'en mars 1918, les bolcheviks sont cernés et sont très près de perdre le pouvoir. Ils vont être envahis à Leningrad, à Petrograd à l'époque. Et Lénine décide de déménager tout le gouvernement à Moscou. Ça va se faire dans une cacophonie pas possible, un train spécial, les gars sont prévenus 3 heures avant, vous prenez vos affaires, vous allez à Moscou avec votre famille, enfin bon. Et la police politique, qui a déjà certains privilèges, se voit attribuer cet immeuble-là, qui va être jusqu'au bout le symbole des services secrets soviétiques. Et encore aujourd'hui, quand vous allez à Moscou, vous voyez cette place. Alors, il manque quelque chose sur la place. Je le dis pour les touristes qui vont aller voir. Il manque la statue du fameux Dzerzhinsky. Oui. Car cette statue a été abattue, j'y étais, j'étais là, a été abattue en août 1991, après le putsch, le fameux putsch qui avait voulu éliminer Gorbatchev. Et là, les moscovites, quand le putsch échoue, sortent dans la rue. C'est une espèce de victoire presque démocratique. Et ils vont amener deux grandes grues et ils vont abattre la statue de Dzerzhinsky devant ce fameux immeuble de la Loubianka. C'est un symbole extraordinaire. Encore aujourd'hui, la photo de l'événement reste dans tous les manuels d'histoire, parce que c'était effectivement un symbole formidable. Oui, parce que cet immeuble est un immeuble imposant, immeuble fin 19e siècle, qui d'ailleurs relie la Russie à l'Occident. Il y a un petit côté haussmannien dans cet immeuble, un peu plus imposant quand même, parce qu'il est conséquent. Et cette statue détruite en 1991 de Dzerzhinsky, donc le fondateur de la Tchéka, l'ancêtre du KGB, c'est vrai que c'est tout un symbole. Vous y étiez, Bernard Lecomte. Le KGB ne s'effondre évidemment pas à ce moment-là. Vous nous avez dit qu'au moment où la Tchéka est mise en place en 1917, il y a une inspiration des services secrets du tsar. Eh bien, en 1991, le KGB ne disparaît pas. En fait, les locaux sont là, les archives sont là, les gens sont là. Il y a une continuité. Une continuité qui a failli s'interrompre parce que, je raconte ça dans mon livre parce que, pardon, mais c'est vrai, j'y étais, moi, avec les quelques journalistes, vous connaissez Ulysse Gosset, vous connaissez des gens comme ça, on était du matin au soir sur cette affaire à observer notamment quelque chose, c'est que le fameux putsch est la dernière tentative du KGB pour sauver les meubles, pour sauver l'URSS. Derrière le côté, les conservateurs qui ne voulaient plus de la perestroïka de Gorbatchev, il y a en réalité une véritable tentative de sauver le régime, et cette tentative, elle est menée par Monsieur Khrouchtchev, qui est le patron du KGB. Et l'échec du putsch, c'est aussi l'échec du KGB. Et fin août, septembre 91, même octobre 91, le KGB n'est plus rien. C'est une catastrophe. Il n'est plus rien dans les républiques qui ont pris leur autonomie, voire leur indépendance. Il n'est plus rien en Russie, puisque c'est Boris Eltsine, désormais, qui pilote la Russie. Et il n'est évidemment plus rien en URSS, puisque l'URSS n'est plus qu'une fiction. Vous avez donc là la fin de l'URSS. L'armée, premier soutien du régime, s'est complètement éteinte en Afghanistan. Le Parti communiste est en train de s'éteindre complètement. Et le KGB, troisième outil du pouvoir, s'effondre à ce moment-là. Sauf que, à ce moment-là, il y a des centaines de milliers de types qui sont des agents, des fonctionnaires, des policiers du KGB, les gardes frontières qui dépendent aussi du KGB. Et tous ces gens-là, il va bien falloir qu'ils deviennent quelque chose. Et c'est la Russie de Boris Eltsine qui va récupérer tous ces gens-là. Pourquoi ? Parce que pour les dirigeants russes de l'époque, y compris Boris Eltsine, y compris les démocrates qui sont autour de lui à cette époque, mais ne conçoivent pas qu'un État puisse fonctionner sans un KGB, sans une police politique. Tous ces gens-là en sont quasiment, non seulement les témoins, mais les acteurs, mais les héritiers, tous considèrent que évidemment qu'il faut un KGB. Et Boris Eltsine va reconstituer donc un outil politique. Alors évidemment, ça n'est plus l'outil léniniste, ça n'est plus l'outil stalinien, ça n'est même plus l'outil d'Andropov, mais c'est une police politique avec vocation à réprimer l'opposition. Encore une fois, ces gens-là n'imaginent pas qu'on puisse gouverner sans ça. Et va se retrouver à la Loubianka le FSB, qui est donc le KGB russe de Boris Eltsine, qui va, comme par hasard, mettre à sa tête un jeune ancien lieutenant-colonel du KGB en 1999, parce que Eltsine se dit, celui-là au moins, il saura leur parler, il saura quoi faire, qui s'appelle Vladimir Poutine. Et voilà, ça y est, nous voyons cette continuité qui est très intéressante parce que dans KGB, Bernard Lecomte, vous racontez l'histoire évidemment du KGB, mais pas seulement, parce que à travers l'histoire du KGB, nous pouvons lire l'histoire de l'URSS et nous l'entendons de la chute de l'URSS et d'après. Comment cela se construit? Je vous propose d'écouter un élément sonore, un bricolage magique qu'a réalisé Éric Lancien qui travaille pour le cours de l'histoire. Et Éric s'est saisi d'archives qu'il a confronté avec la voix d'Omar Sharif. Oui, la voix d'Omar Sharif qui présentait sur France 3 en août 1989 ce qu'était le KGB. KGB. Trois initiales célèbres qui font froid dans le dos. Je me souviens, lorsque j'étais juge, il leur arrivait de faire irruption dans mon bureau et de dire, dans le cas d'un tel ou d'un tel, il vaudrait mieux agir comme ceci. Un univers mystérieux et redoutable sur fond de boulagues et de terreur. L'ambassade américaine, comme toutes les ambassades étrangères à Moscou, est truffée de micros depuis que les micros ont été inventés. Le KGB est à la fois un formidable réseau d'espionnage présent dans tous les pays du globe et une police secrète omniprésente en Union soviétique. Aux États-Unis, plus de 50% des communications téléphoniques sont transmises par ondes courtes. Le KGB intercepte ces communications sur ondes courtes par centaines de milliers. Elles sont enregistrées sur des mémoires électroniques déclenchées par certains mots-clés. C'est ce KGB, tout puissant, véritable état dans l'état, que nous allons découvrir. J'ai choisi cette profession parce que c'est un travail pour de vrais hommes. Voilà, Éric Lancien, ouf, encore une balle qui s'est saisie des archives et qui les a mêlées à la voix d'Omar Sharif pour présenter le KGB avec ce mot qui revient sans cesse, celui du secret. Bernard Lecomte, il est bien difficile de faire l'histoire d'un organisme qui est chargé de produire des infox, de désinformer et qui travaille dans le secret. Moi, j'étais étonné en regardant votre ouvrage, bon, il y a quand même des sources. Oui, il y a des sources, mais si vous voulez, c'est là où le travail de journaliste n'est pas le même que le travail de l'historien. L'historien, face à des sources qui sont des mensonges, qui sont des bobards, etc., est complètement désarmé. L'historien a besoin d'archives, de choses sérieuses, carrées, pour avancer dans son travail. Le journaliste, son métier, ça consiste, quand on ne sait pas, on contourne, on essaye, on trouve des témoins, on va chercher des gens. Idée toute bête, le journaliste, il va chercher le journal du jour dans des collections pour savoir tout simplement par le bulletin météo s'il pleuvait des cordes ou s'il faisait beau. C'est comme ça que travaille un journaliste. Et puis des témoins de témoins, des gens à qui vous faites lire un texte et qui vont dire « non, c'est du pipeau ». Alors, dans les archives, il y a beaucoup... Et dans les sources, il y a beaucoup de témoignages d'anciens agents. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur tout ce que les anciens agents ont raconté après la chute de l'URSS. Alors, vous avez de tout. Vous avez des gars très scrupuleux qui racontent tout. Et vous savez, quand Yuri Modine, qui était l'agent traitant des fameux 5 espions de Cambridge, vous savez, Kim Philby et les autres. Quand Modine dit que il a pris le métro, qu'il est descendu à telle station, qu'il faisait beau, qu'il a bu un verre au pub, il n'y a aucune raison de penser qu'il ment. Là où il faut être très prudent, c'est quand il dit « j'ai réussi ça, je les ai bien eus, l'autre était un imbécile, etc. » Dès que ça devient un tout petit peu subjectif, hop, il faut tout de suite se méfier. Vous avez par exemple, je pense à Modine parce que c'est lui qui m'a permis de mieux raconter l'affaire des 5 de Cambridge, qui est une des plus belles affaires d'espionnage du siècle. Mais je pense aussi à un gars qui s'appelle Soudoplatov. Pavel Soudoplatov, présenté comme un maître espion qui a géré tout ça. Tous les anciens, tous les spécialistes m'ont dit « méfie-toi de Soudoplatov, il dit n'importe quoi ». Quand tout le monde vous dit la même chose, vous y allez avec encore plus de pincettes et vous faites très très attention. Quand il dit un truc, il faut absolument le vérifier, il faut absolument le recouper. Si vous n'avez que l'avis, l'opinion de Monsieur Soudoplatov, prudence. Et je vous cite un troisième exemple parce qu'il est connu de beaucoup de nos auditeurs. Léopold Trepper, vous savez, l'orchestre rouge. Trepper raconte lui-même dans ses mémoires des choses absolument phénoménales sur l'Orchestre Rouge, qui rappelle étrangement quand même ce que Gilles Perrault avait raconté dans son histoire de l'Orchestre Rouge, qui est quand même un tout petit peu romancé. Et là aussi, tous les spécialistes de l'époque, tous les gens qui ont travaillé là-dessus, vous disent « Attention, Trepper bluffe beaucoup, il n'a pas eu un rôle pareil, etc. » Donc, quand vous prenez les mémoires de Trepper, vous allez chercher, effectivement, l'adresse du type, il ne l'a pas inventé, la couleur de la façade de l'immeuble et le moyen de locomotion, tout ça est évidemment vrai, il n'y a aucune raison qu'il mente là-dessus. Sauf que, sur son importance dans les faits, il faut faire très attention. Voilà, mais moi, Bernard Lecomte, alors, sans vous contredire, mais je pense que vous avez la même démarche que l'historien, au sens où historien, historienne, se méfie énormément de chaque mot dit de les témoignages. Quelle horreur, le témoignage qui n'est pas recoupé avec d'autres sources. Et moi, j'ai l'impression que dans KGB, le grand reporter que vous êtes, avait fait une démarche d'historien qui rejoint en fait celle du journaliste. On confronte les sources, on se méfie de tout, et surtout, on va chercher là où on n'attend pas trouver de l'information, parce que la meilleure information est souvent là où elle ne devrait pas être, parce qu'elle n'a pas été camouflée. Donc là, je pense que vous avez plus une démarche d'historien que de journaliste, parce qu'en fait, ce sont les mêmes. Non, vous ne trouvez pas ? C'est-à-dire que moi, je suis très... par exemple, je vais vous citer deux noms très rapidement. Sur toutes les affaires soviétiques, il y avait à Paris un commissaire de la DST, qui s'appelle toujours d'ailleurs Raymond Nart, si par hasard il nous écoute, je le salue, et on avait établi une certaine complicité, c'est-à-dire que ça l'intéressait de savoir ce que moi j'avais vu là-bas, et puis lui, il me disait des choses qui m'intéressaient aussi. Et puis, on a établi une certaine confiance. Et là, effectivement, c'est sur cette confiance, c'est là où l'historien fait un autre métier. C'est sur cette confiance que, moi, le journaliste, je me dis, oui, là, il me baratine pas, ce qu'il me raconte, c'est juste. Peut-être qu'il me dit pas tout, c'est même assez probable, mais tel et tel point, je vais l'intégrer à mon article. Et deuxième nom, l'ancien résident du KGB à Paris, qui s'appelait Nikolaï Nikolaïevitch Tchetvelikov, qui est un des premiers expulsés, vous savez, dans cette fameuse affaire Farewell, où il y a l'expulsion des 47, c'est un très très grand moment aussi de l'histoire d'espionnage, et ça se passe à nos portes, ici à Paris. Et j'avais réussi à déjeuner avec Tchetvelikov à Moscou, parce qu'il était devenu le patron de l'agence des droits d'auteur là-bas. Et il avait accepté de me voir, et là, effectivement, c'est pas une démarche d'historien, que cette espèce de jeu du chat et de la souris, lui savait très bien ce que je venais chercher, il m'a dit, cher monsieur Lecomte, si vous commencez à m'expliquer que j'ai été le résident à Paris, c'est pas la peine, on va pas s'entendre. Mais je n'avais pas du tout cette intention, monsieur Tchetvelikov, c'est les droits d'auteur qui m'intéressent, bien sûr. Ceci posé, on a parlé pendant 2 heures. C'est cette démarche-là qui est une démarche typiquement journalistique, qui est quand même à la limite des aventures de Tintin. Mais c'est authentique, si vous voulez. Il y a une espèce de confiance entre deux hommes à un moment qui se disent ça, il me baratine ou pas, etc. Et ça fait partie de mes sources. Et avec toujours cette démarche, mais là qui vaut partout, historien, journaliste et simple lecteur sur les réseaux sociaux, critiquer, toujours se méfier avec ce que vous nous apprenez dans KGB, ce travail de désinformation institutionnelle. Nous avons un écho très fort au présent. Bernard Lecomte, juste en quelques mots, mais parce qu'on n'en finirait jamais, je pense que l'actualité ne cesse d'alimenter votre regard sur le KGB, que ce soit des empoisonnements ou que ce soit de la désinformation. C'est clair, l'affaire Navalny, en un mot, évidemment, c'est pas moi qui vais vous dire, c'est l'ancien lieutenant-colonel Poutine qui a désigné la cible. Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça, d'ailleurs c'est pas du tout évident. On s'oriente plutôt vers des guébistes locaux, vers des réseaux locaux dans cette affaire, mais incontestablement, ça rappelle totalement l'histoire du KGB, qui était le service secret au monde, qui a été le plus spécialiste des affaires d'empoisonnement. Et pareil dans l'affaire biélorusse d'aujourd'hui. Le président Loukachenko, lui-même qui a fait son service militaire au KGB, je le dis entre parenthèses, évidemment qu'il est tenu par son propre KGB, évidemment que la police politique joue un rôle majeur dans toute l'actualité d'aujourd'hui. Merci Bernard Lecomte de nous avoir présenté ce KGB, la véritable histoire des services secrets soviétiques chez Perrin, avec le témoignage. Et ça, c'est l'aspect aussi important de l'ouvrage. Vous y étiez. Merci beaucoup à vous. Il est l'heure, dans le cours de l'histoire, de retrouver Anaïs Quien avec son journal de l'histoire. Bonjour Anaïs Quien.